Chapitre 8e. À la vue du cuisinier, qui portait, selon la coutume de sa profession, une veste blanche et un bonnet de coton, l'ancienne et haute école classique des Laguipière, des Morel, des Carême, est restée fidèle au bonnet de coton. La jeune école romantique se coiffe de la toque de percaline blanche. Le chanoine Don Diego se leva péniblement de son fauteuil, fit deux pas vers l'artiste culinaire en lui tendant les mains, et s'écria d'une voix profondément émue. « Soyez le bienvenu, mon sauveur, mon ami, mon cher ami. Oui, je suis fier de vous donner ce titre. Vous l'avez mérité, car je vous dois l'appétit. Et l'appétit, c'est le bonheur, c'est la vie. » Le cuisinier ne parut pas extrêmement sensible au titre amical dont l'honorait le chanoine. Il resta silencieux, les bras croisés sur sa poitrine, le regard attaché sur Don Diego. Mais celui-ci, dans le feu de sa reconnaissance gastronomique, ne remarqua pas le sourire sardonique, nous dirions presque satanique, qui errait sur les lèvres du grand homme de cuisine et poursuivit ainsi l'expression de sa reconnaissance. « Mon ami, de ce jour vous êtes à moi. Vos conditions sont les miennes. Je suis riche, la bonne chair est ma seule passion. Aussi, pour vous, je serai non pas un maître, mais un admirateur. Jamais, mon cher ami, jamais vous n'aurez été mieux apprécié. Vous me l'avez dit vous-même, vous ne travaillez que pour l'art, et vous le prouvez, car je le déclare hautement, vous êtes le plus grand homme de cuisine qu'il y ait au monde. Le prodige que vous avez opéré aujourd'hui, non seulement en me rendant l'appétit, mais en le redoublant à mesure que je savourais vos chefs-d'œuvre, puisque à cette heure je serai capable de déjeuner encore, ce prodige, et je dis, vous met à mes yeux hors ligne. Nous ne nous quitterons donc plus, mon cher ami, tout ce que vous me demanderez, je vous l'accorderai, vous prendrez autant d'aide de subalterne que vous voudrez, je désire vous épargner toute fatigue, votre santé m'est trop précieuse pour la compromettre, car désormais, je le sens déjà. » Et Don Diego mit sa grosse main sur son estomac, « Désormais, je ne saurai vivre que par vous, mon cher ami, et ainsi, » dit le cuisinier en interrompant le chanoine et souriant d'un air sarcastique, « Ainsi vous avez bien déjeuné, seigneur chanoine. »« Si j'ai bien déjeuné, mon cher ami, mais dites donc que je vous dois une jouissance d'une heure un quart, une jouissance ineffable, et sans autre intermittence que les temps d'arrêt de votre service. Et encore, ces intermittences étaient remplies de charme. Partagé entre le souvenir et l'espérance, n'attendais-je pas de nouveaux plaisirs avec une insatiable appétence? Vous me demandez si j'ai bien déjeuné? Pablo vous dira que j'ai pleuré d'attendrissement. Voilà ma réponse. Je me suis permis, Seigneur, de vous envoyer quelques accompagnements de vin, car de bons mets sans bon vin, c'est une belle femme sans esprit. Or ces vins, les avez-vous, Seigneur, trouvés potables? Potables, grand Dieu! Quel blasphème! D'inestimables échantillons de tous les nectars connus, potables! Des vins dont l'on ne paierait pas la valeur en les échangeant bouteille pour bouteille contre de l'or liquide, potable! Allons, mon cher ami, votre modestie est exagérée, de même que vous sembliez tout à l'heure exagérer votre immense talent. Mais je le reconnais. L'on vanterait votre génie jusqu'à l'hyperbole, que l'on resterait toujours en dessous de la vérité. « J'ai encore beaucoup de vin de cette qualité, » dit froidement le cuisinier. « Depuis 25 ans, je travaille à me monter une petite cave passable. »« Mais cette cave passable, mon cher ami, a dû vous coûter des millions. »« Elle ne m'a rien coûté, monseigneur. »« Rien ? Ce sont autant de dons faits à mon humble mérite. »« Je ne m'en étonne point, mon cher ami. »« Mais cette cave qui rendrait un roi jaloux, que comptez-vous en faire ? » ?»« Ah, si vous vouliez me la céder, en toute ou en partie, » je ne reculerai devant aucun sacrifice, car, ainsi que vous venez de le dire avec profondeur, de bons mets sans bon vin, c'est une belle femme sans esprit. Or, ces vins accompagnent si admirablement vos productions que je... » Le cuisinier interrompit Don Diego par un ricanement ironique. « Vous riez, mon ami, » dit le chanoine fort surpris. « Vous riez. » « Oui, seigneur, je ris. » « Et de quoi, mon ami ?» De votre reconnaissance envers moi, seigneur chanoine. Mon ami, je ne vous comprends pas. Ah, seigneur Don Diego, vous croyez que votre bon ange, et je me figure le voir gros et joufflu, habillé comme moi en cuisinier, portant des ailes de faisan au dos de sa robe blanche. Ah, vous croyez, dis-je, seigneur chanoine, que votre bon ange m'a envoyé vers vous. Mon cher ami, dit Don Diego, ouvrant des yeux énormes et se sentant très inquiété par l'air de plus en plus sardonique du cuisinier, mon cher ami de grâce, expliquez-vous plus clairement. Seigneur chanoine, ce jour sera pour vous un jour fatal. Grand Dieu, que dites-vous ? Seigneur chanoine, reprit le cuisinier, toujours les bras croisés, le regard fixe, l'air menaçant, et il fit un pas vers Don Diego qui recula d'autant avec une angoisse croissante. Seigneur chanoine, regardez-moi bien. Je vous regarde, mon bon ami, balbutia Don Diego, mais... Seigneur chanoine, ma figure vous poursuivra partout, pendant votre sommeil et pendant vos veilles. Vous me verrez là, toujours là, devant vous, avec mon bonnet de coton et ma veste blanche, comme une apparition fantastique et terrible. Ah, mon Dieu, c'est fait de moi, murmura le chanoine épouvanté. Mes pressentiments ne me trompaient pas. Cet appétit est trop miraculeux, ces mets, ces vins trop surhumains, pour qu'il n'y ait pas là-dessous quelque mystère effrayant, quelque magie infernale. Dans cette occurrence si critique pour lui, le chanoine vit heureusement entrer son majordome. « Seigneur, dit Pablo, l'homme de loi vient d'arriver, vous savez, l'homme de loi qui... Pablo, reste là !» s'écria Don Diego en saisissant son majordome par le bras et l'attirant auprès de lui. « Ne me quitte pas !»« Mon Dieu Seigneur, qu'avez-vous ? Dit Pablo. « Vous semblez effrayé !»« Ah, Pablo, si tu savais !» dit Don Diego d'une voix basse et lamentable, sans oser tourner les yeux du côté du cuisinier. « Seigneur, reprit Pablo, je vous disais que l'homme de loi était arrivé. Quel homme de loi, Pablo ? Celui qui doit venir rédiger, selon les formes, votre demande de poursuite contre le capitaine Horace, comme coupable d'enlèvement de la señora Dolores. Pablo, je suis dans l'impossibilité de m'occuper d'affaires. Je n'ai plus la tête à moi. Je crois rêver. Ah, si tu savais ce qui m'arrive, ce cuisinier. Oh, mes pressentiments. Alors, Seigneur, je vais faire retirer l'homme de loi ? Non ! S'écria le chanoine. Non, car c'est ce misérable capitaine Horace qui est la cause de tous mes maux. S'il ne m'avait pas fait perdre l'appétit, j'aurais eu déjeuné ce matin lorsque ce tentateur en veste blanche s'est introduit ici, et je n'aurais pas été victime de ses maléfices. Non, ajouta Don Diego avec un redoublement de colère. Dis à l'homme de loi d'attendre. Il écrira mes plaintes tout à l'heure, mais il faut apparemment que je sorte de l'effrayante perplexité où je me trouve, ajouta-t-il en jetant un regard effaré sur le cuisinier, toujours silencieux et formidable. Il faut que je sache, ajouta le chanoine, ce que veut de moi cet être mystérieux qui m'épouvante. Dis à l'homme de loi d'entrer dans mon cabinet et ne me quitte pas. Le majordome alla dire quelques mots en dehors de la porte à l'homme de loi qui se trouvait dans la pièce voisine, et le chanoine, le majordome et le cuisinier restèrent seuls. Don Diego, se sentant plus fort de la présence de Pablo, tâcha de prendre quelque assurance et dit à l'homme à la veste blanche, qui conservait toujours son air impassible et sardonique, « Voyons, mon bon ami, parlons sérieusement. Il n'est ici question ni de bons ni de mauvais anges, mais d'un homme d'un immense talent, c'est vous dont je parle, que je voudrais m'attacher à quelque prix que ce fût. Il s'agit encore d'une cave divine, pour l'acquisition de laquelle aucun sacrifice ne me coûtera. Je vous parle dans toute la sincérité de mon âme, mon cher et bon ami, répondez-moi de même. » Puis le chanoine dit à voix basse à son majordome, « Pablo, reste toujours entre lui et moi. » « Je vais donc vous parler en toute sincérité, seigneur chanoine, reprit le cuisinier, et d'abord, je vous le répète, je serai la désolation, le désespoir de votre vie. Vous, moi. » « Pablo, tu l'entends ? Que lui-je donc fait, mon Dieu ? » murmura Don Diego. « À qui en a-t-il ? » « Rappelez-vous bien mes paroles, seigneur chanoine. Auprès du repas incomparable que je vous ai servi, les meilleurs mets vous semblent insipides, les meilleurs vins amers, et votre appétit, un moment éveillé par ma puissance, s'anéantira de nouveau dès que je ne serai plus là pour le ressusciter. » « Mais, mon ami, s'écria le chanoine, vous pensez donc à me... » L'homme au bonnet de coton et à la veste blanche interrompit de nouveau le chanoine et s'écria « En vous souvenant des délices que je vous ai fait goûter un moment, seigneur chanoine, vous serez comme ces anges déchus qui ne se rappellent les joies célestes du paradis que pour les regretter au milieu des lamentations et des grincements de dents. Mon bon ami, de grâce, un mot, vous grincerez des dents !»« Chanoine, s'écria le cuisinier d'une voix formidable qui retentit au fond de l'âme de Don Diego comme le bruit de la trompette du jugement dernier. Vous serez comme une âme? Non, vous n'avez pas d'âme. Vous serez comme un estomac en peine, allant, venant, flairant, effleurant tous les mets les plus recherchés que l'on vous pourra servir, et vous écriant avec des gémissements terribles en vous souvenant du déjeuner de ce matin. Hélas, hélas, mon appétit a passé comme une ombre, ces mets exquis, je ne les goûterai plus. Hélas, hélas. Alors, dans votre désespoir, vous maigrirez. M'entendez-vous, chanoine? Vous maigrirez. Grand Dieu, Pablo, le malheureux, que dit-il? Jusqu'à présent, malgré votre perte d'appétit, vous avez encore vécu sur votre graisse, comme les marmottes pendant l'hiver. Mais désormais, vous subirez la double et terrible atteinte de la perte de l'appétit et des regrets désespérés que je vous laisserai. Aussi, vous dis-je, vous maigrirez, chanoine. Oui, vos joues s'affaisseront. Votre triple menton fondra comme la cire au soleil. Ce ventre énorme s'aplatira comme une outre dégonflée. Ce teint, qui d'aujourd'hui refleurissait, s'étiolera, jaunira sous vos larmes, et vous deviendrez maigre, décharné, livide, comme un anachorète vivant de racines et d'eau claire. Entendez-vous, chanoine? Pablo, murmura Don Diego, en s'appuyant sur son majordome et fermant les yeux, soutiens-moi, je me sens frappé à mort, il me semble que je vois apparaître mon propre spectre. Tel que vient de le portraiturer ce démon. Oui, Pablo, je me vois maigre, décharné, livide. Oh mon Dieu, c'est affreux, c'est horrible. C'est une punition divine de mon péché de gourmandise. Seigneur, rassurez-vous, dit le majordome, et s'adressant au cuisinier avec un mélange de crainte et de courroux. Pouvez-vous prendre à tâche d'accabler un excellent et vénérable homme comme le seigneur Don Diego? Et maintenant, reprit impitoyablement le cuisinier, adieu, chanoine. Et pour toujours, adieu. Adieu, pour toujours adieu, s'écria Don Diego avec un violent soubresaut et comme s'il reçut une commotion électrique. Comment, il serait vrai? Vous m'abandonneriez à jamais? Oh non, non, je devine tout maintenant, en me faisant sentir les regrets que me causerait votre perte. Vous voulez mettre vos services à un plus haut prix? Parlez, que vous faut-il? Ah ah! Fit l'homme au bonnet de coton et à la veste blanche avec un éclat de rire méphistophélique et en se dirigeant lentement vers la porte. « Non, non !» s'écria le chanoine, les mains jointes. « Non, vous ne m'abandonnerez pas ainsi. Ce serait atroce, ce serait sauvage. Ce serait laisser un infortuné voyageur au milieu d'un désert brûlant après lui avoir fait entrevoir les délices d'une oasis pleine d'ombre et de fraîcheur. Vous avez dû, dans votre temps, être un grand prédicateur, chanoine. » dit l'homme à la veste blanche en continuant de se diriger vers la porte. « Grâce, grâce !» s'écria Don Diego d'une voix éplorée en fondant en larmes. « Et ce n'est plus à l'artiste, au cuisinier de génie que je m'adresse, c'est à l'homme. C'est à mon semblable que je supplie à genoux, m'y voilà, de ne pas laisser un de ses frères dans une désolation incurable. « Oui, et me voilà aussi à vos genoux, seigneur cuisinier !» s'écria le digne majordome, entraîné par l'émotion de son maître en se mettant à genoux comme lui. C'est une pauvre créature bien humble qui joint sa prière à celle du seigneur Don Diego. Hélas, ne l'abandonnez pas, il en mourra. Oui, ha ha, reprit le cuisinier avec un redoublement d'éclat de rire satanique, il en mourra et il mourra maigre. Ce dernier sarcasme changea le désespoir de Don Diego en fureur. Il se releva prestement, malgré son obésité, et se précipita sur l'homme en bonnet de coton en s'écriant « À moi, Pablo, le monstre ne fera plus la cuisine pour personne, sa mort seule pourra me délivrer de son infernale obsession !»« Seigneur, s'écria le majordome, moins exalté que son maître, Seigneur, que faites-vous? La douleur vous égare !» Heureusement, l'homme à la veste blanche, au premier mouvement agressif de Don Diego, s'était reculé de deux pas en se mettant sous la défensive au moyen de son grand couteau de cuisine qu'il brandissait d'une main, tandis que de l'autre il montrait une lardoire aiguë. À la vue du formidable tranchelard et de la lardoire effilée comme une dague, la meurtrière exaspération du chanoine se dissipa. Mais ses émotions violentes, le bouillonnement de son sang, le trouble de sa digestion, lui causèrent une telle révolution qu'il chancela et tomba sans connaissance entre les bras du majordome qui, trop faible pour soutenir une pareille masse, s'affaissa lui-même sous le poids de son maître en criant de toutes ses forces « Au secours! Au secours !» Alors l'homme à la veste blanche disparut en poussant un dernier et retentissant éclat de rire qui fait honneur à Satan et qui terrifia le majordome.